sans cause, que la couronne du monde. Il y a des gens qui ont dans le sang cette arme de vie et de mort. Donc la seule réponse, hélas, c'est que la vie pourrait se tenir encore. Ton trottoir, c'est la vie où tu prends heureusement.